Volcano. Précédé de James, nous sortons de la mairie. Très courtoise, l'entrevue avec le maire n'a pas été bien longue. C'est la première fois que je vois un Africain aller à l'essentiel et limiter les civilités d'usage aux salutations alimentaires. M'installant à côté d'elle dans le 4x4, je rends fait part à Nathalie. Puis habituée aux us et coutumes africains, elle n'y avait pas prêté attention. Peut-être connais-tu moins bien les pays anglophones ? La culture anglo-saxonne y a sans doute laissé son empreinte. Je souris. La culture qui changera les coutumes africaines n'existe pas et n'existera jamais. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est bien de celle-là. Non, pour nous avoir expédiés si vite, une seule explication possible, un rendez-vous avec une coquette somme ou plus vraisemblablement avec son deuxième bureau. La mine interloquée de Nathalie est amusante à voir. Son deuxième bureau, qu'est-ce que c'est ? Sa maîtresse ? À son tour de sourire. Les Africains ont un langage vraiment très imagé. Notre étude de mœurs comparées va se poursuivre le temps que notre véhicule sorte de la ville et aborde les premiers contreforts de Mangamaloba. En quelques centaines de mètres, le paysage alentour a totalement changé. De l'oasis de Buéa, nous sommes passés à un paysage rocailleux où dominent le noir et le brun avec çà et là de larges touffes de courtes graminées. De part et d'autre de la piste, une végétation arbustive très clairsemée, avec parfois un de ces arbres étranges, souvent centenaires, seuls capables de pousser à près de 3000 mètres, et à qui la population locale prête toutes sortes de pouvoirs, les Magic Trees. La piste sinueuse longe le flanc de la montagne et s'élève lentement. La latérite a laissé la place à une espèce de mâche-fer, semblant sortie tout droit d'un haut fourneau. En fait, le haut fourneau n'est pas bien loin. Juste dans les nuages à près de 3000 mètres, au-dessus de nos têtes. James conduit prudemment autant pour la sécurité que pour ménager les pneus. Sur les pistes au flanc du volcan, il n'est pas rare qu'un épi d'obsidienne affleure de quelques centimètres, suffisant pour entailler le flanc des pneus les plus robustes. Fascinée par la beauté sauvage du paysage, Nathalie n'a pas dit un mot depuis un moment. Je comprends pourquoi les peuples de l'Antiquité croyaient que les volcans étaient les portes des enfers. Elle a presque chuchoté, comme si elle craignait de tirer Hadès de son sommeil. James doit voir Louis Finn. D'après ce que m'a dit le commandant des Rangers, l'enfer, c'est pour demain. Il aurait pu s'abstenir de ce commentaire. Nathalie est suffisamment inquiète comme cela, sans qu'il soit utile d'en rajouter. Hier soir, après notre extra sur le banc Baboon dans l'alcôve de Philao, elle a bien fait honneur au délicieux poulet DG, mais n'a pu dissimuler son inquiétude lorsque nous avons regagné notre suite. Il lui a fallu une dernière fois compulser ses notes avant d'aller au lit. Avec mille câlins et mille bisous, j'ai eu beaucoup de mal à la détendre. Je trouve une autre facette de sa personnalité. Tout comme moi, la seule idée de planter la mission à cause d'une erreur de préparation la rend malade. Par respect pour James et pour elle, je ne veux pas interférer. Mais n'hésiterai pas à prendre la main si demain je me rends compte que quelque chose ne va pas au niveau des Rangers. Pour l'heure, je pense que nous sommes à mi-chemin. Bingo. Nous arrivons au bord d'une gigantesque cuvette particulièrement verdoyante. Sans doute un ancien cratère secondaire. Il va nous falloir y descendre, la traverser, et remonter de l'autre côté pour rejoindre notre zone de relevé. La piste devient de plus en plus étroite et finit par disparaître quelques centaines de mètres avant que nous n'atteignions notre objectif. De l'autre côté de la crête, c'est la réserve du parc naturel. Une longue bande de terrain plat presque dégagée avant d'apercevoir la lisière d'une forêt dense, la Rainforest, qui descend plus bas et se perd dans la brume. Nous sommes sur le versant ouest, celui exposé à l'humidité de l'océan. À 1800 mètres, la condensation est inévitable et quasi permanente. James nous trouve un endroit dégagé et stoppe le Land Cruiser. Nathalie ne dit pas un mot. Fascinée par le paysage, elle descend lentement comme si elle hésitait à poser le pied par terre de peur qu'à son contact, l'enchantement ne se dissipe. Lorsqu'elle en émerge, elle n'a même pas conscience de sa petite absence. Elle était ailleurs. Des deux hommes présents, je suis le seul qui ait déjà manipulé ces magnétomètres et autres appareils dont j'ai oublié le nom. Le rôle d'assistant m'ira très bien. J'ouvre le coffre du Toyota. Un charmant sourire salue mon initiative et engage James à me donner un coup de main. Je crois qu'il va falloir s'y mettre, on n'a pas toute la journée. Le sourire se rembrunit. d'autant qu'il ne faudra pas rentrer trop tard pour que James aille vérifier si tout est OK pour demain. Les malles, mallettes et valises sont rapidement déchargées et disposées selon les indications de Nathalie. Au cours des 3 heures qui suivent, nous ne parlons guère, ne nous arrêtons que pour nous réhydrater. L'air est peut-être frais, mais l'humidité est si forte que nous transpirons abondamment. Malgré sa méconnaissance des procédures de mesure, James est très efficace en anticipant les phases qui nécessitent un déplacement du matériel. Nathalie l'en félicite. « Vous nous faites gagner un temps précieux, James. Auriez-vous quelques connaissances en géophysique ?» Cet éternel Ray-Ban vissé sur son front l'intéressé répond. « Juste un certain sens de l'observation. C'est plutôt M. Rin qui a l'air de s'y connaître. Je mets en place la dernière sonde pour cette série. Avec votre sens de l'observation et ma mémoire, je crois qu'on fait une bonne équipe. » Je baisse la voix, mimant un aparté. « Je pense qu'on devrait demander une augmentation. » C'est la première fois que je vois James sourire, tandis que Nathalie, toujours sérieuse comme un pape, nous lance un regard en coin. « Pour l'augmentation, ça peut se discuter à condition que l'on fasse une pause. Je meurs de faim. On lance cette mesure et on attaque le pique-nique. » Le room service a bien fait les choses. Sandwich au poulet avec du pain français croustillant. Même la bière est restée fraîche dans la petite glacière. Nathalie a l'air contente de cette journée. À chaque mesure, pendant que James et moi déplaçons les sondes, elle sort sa calculatrice, tapote quelques touches, puis jette un coup d'œil à son carnet de notes et à sa carte. C'est chaque fois le même sourire de satisfaction. La dernière série de mesures est terminée. Nous remballons le matériel. Les fréquents coups d'œil que James jette à sa montre nous rappellent qu'il ne faut surtout pas traîner. Une fois arrivé à l'hôtel, il restera à vérifier que le dispositif des Rangers est fin prêt pour demain. Nous y sommes. Le temps pour James de transférer le matériel dans sa chambre avec l'aide de nos deux vauriens d'hier et le voilà reparti au volant du Toyota. Il était si pressé qu'il ne s'est même pas arrêté au bar où Nathalie et moi l'attendions. Il réapparaît 20 minutes plus tard. Tout est OK, les porteurs, le véhicule, le matériel et les Rangers. Nathalie le remercie. C'est parfait. Mais alors pourquoi cette mine contrariée ? James avale la moitié de son gin tonic. Le commandant des Rangers allait dans l'ongle. Avec sa petite commission, il a carrément doublé la facture. Apparemment, ce n'est pas un problème pour Nathalie. L'essentiel, c'est que tout soit prêt, et à l'heure. Je ne peux pas me permettre de manquer ses relevés. Elle se lève. Nous l'imitons aussitôt, mais d'un geste, elle nous fait signe de nous rasseoir. Non, non, finissez vos verres tranquillement. « Moi, je vais prendre une douche et j'aurai quelques petits calculs à faire pour vérifier la cohérence des mesures d'aujourd'hui. » Elle se tourne vers moi. « Et puis, je dois envoyer un téléx à Fred. » Je ne sais si James est dupe du stratagème, même si le regard que me lance Nathalie est absolument neutre. Le problème, c'est qu'on ne peut sans doute pas en dire autant du mien lorsque je la regarde s'éloigner. Elle profite de ce que James lui tourne le dos. Le balancement de ses hanches est plus qu'une provocation. C'est carrément l'invitation la plus lubrique que j'ai jamais connue. Frinéan serait morte de jalousie. J'aurais dû parier. Passant la porte, elle se tourne brièvement et me fait un petit signe de la main. Cela n'aurait rien de bien extraordinaire si ce n'était la grimace qu'elle y ajoute en plissant le nez et en me tirant la langue. C'est comme si une main de velours m'empoignait le bas du ventre. Ma réaction n'a pas échappé à James. Il se retourne vivement. Nathalie a déjà disparu dans le hall. Nous bavardons encore un moment. Enfin, c'est plutôt un monologue, car James n'est vraiment pas très bavard. Il est toujours très aimable, mais se garde bien de donner quelques détails que ce soit le concernant. 10 minutes se sont écoulées. Je crois qu'à mon tour, je peux rejoindre la suite sans trop avoir l'air de coller au basque de Nathalie Frinet. Lorsque je regagne notre appartement, pas de Nathalie dans le salon. Je suppose qu'elle est encore sous la douche, et j'ai beaucoup de mal à me convaincre d'aller prendre la mienne dans la chambre qui m'a été attribuée. Seul le fait qu'elle doive ensuite s'atteler à des calculs que je suppose délicats me dissuade de ne pas aller la rejoindre. Lorsque, nu comme ma verge, j'entre dans ma salle de bain avec l'espoir de l'y trouver, personne. Je devrais pourtant savoir que rien ne pourra la détourner de ses équations tant qu'elle n'aura pas mis un point final à ses travaux de la journée. Ce que je viens de vivre n'était en somme qu'une séance d'échauffement. Depuis Melbourne, je sais pertinemment que l'effet du calcul vectoriel sur Nathalie est carrément explosif. Ce soir, contrairement à ce que nous disait le jeune barman, la salle du restaurant est quasi pleine et point n'est besoin d'être un linguiste chevronné pour parier sur la nationalité des autres convives. De toute évidence, ils sont tous sujets de Sa Majesté. Habitué à l'accent américain de Nathalie lorsqu'elle parle anglais, je trouve celui des deux couples de la table voisine quelque peu ridicule. Ils sont pourtant jeunes, mais leurs manières affectées, tout comme leur élocution, sent la naphtaline. De plus, à leur air agacé, il est clair que le fait que nous parlions français ne leur plaît pas vraiment. Aïe. Par-dessus le menu, dans la lecture duquel elle semblait être plongée, les yeux de Nathalie me préviennent. Elle va déclencher la foudre. Un bref clin d'œil à James, et avant que je n'aie eu le temps de réaliser, la conversation passe du français à l'anglais. À l'anglais, certes, mais avec l'accent traînant du Texas. Même James a du mal à suivre. Quant à moi, je suis complètement largué. Les deux couples so british de la table voisine semblent frappés de sidération. Comment une femme si distinguée peut-elle s'exprimer de la sorte? Le français, et maintenant ça, very shocking. Ils n'ont encore rien vu, ou plutôt rien entendu. La dame distinguée se change en un instant une gamine facétieuse et passe de l'accent de Houston à celui de Boston. En venant prendre notre commande, le maître d'hôtel sauve de l'infarctus les quatre sujets de la reine. Le sketch de Nathalie nous a quelque peu distraits et aucun de nous n'a encore fait son choix. Mais Nathalie n'en a pas terminé avec nos voisins de table. Histoire de leur donner le coup de grâce, c'est avec les intonations d'Oxford qu'elle demande au maître d'hôtel de bien vouloir nous faire ses suggestions. Suggestions que nous allons suivre comme un seul homme, enfin presque. Avec un certain courage, James a choisi de nous accompagner dans les méandres d'une cuisine qui lui est aussi étrangère que la nébuleuse Andromède ou Cassiopée l'était pour moi avant que je ne rencontre Nathalie. Le maître d'hôtel repart avec notre commande. Ce sera donc gazpacho, tilapia sauce gingembre et une timbale de riz. Pour finir, sorbet aux fruits de la passion. Le tilapia, tout comme d'ailleurs le gazpacho, est absolument délicieux. Délicieux mais diablement pimenté. Nathalie, plus équation, plus piment, plus gingembre, égale réaction thermonucléaire. Bien avant que le repas ne se termine, ses yeux pétillant déjà de mille promesses, et bien que mes compétences en mathématiques soient plus que limitées, je crois pouvoir dire que cette équation-là n'a qu'une solution possible. Je suis placé à côté de James et la diablesse, assise juste en face de moi, s'est arrangée pour ne pas croiser mon regard une seule fois pendant le dîner. Elle ne veut sans doute pas se trahir, mais ce n'est pas le sorbet au fruit de la passion qui va faire disparaître les rougeurs de son cou et de son décolleté. Quelque chose me dit pourtant que le piment et le gingembre ne sont pas les seules explications et... Se pourra-t-il qu'elle... Non seulement il se peut, mais maintenant j'en suis certain. Tout comme hier soir, Nathalie n'a rien sous sa robe. C'est à l'instant précis où cette pensée, doublée d'un flash des plus osés, fulgure dans mon esprit, que les yeux du démon blond assis en face de moi se rivent aux miens. Ce que j'y lis achève de me déstabiliser. Eh bien, il t'en a fallu du temps. Sa voix est étrangement douce lorsqu'elle revient au français. Excusez-nous, John. Vous me paraissiez distrait. J'oublie toujours que l'anglais ne vous est pas familier. La chatte a sorti ses griffes pour s'amuser avec sa souris préférée. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que la souris en question passe en mots de centurion. Certes, bien moins que le latin. Anteocora desinit, quid petirietis gratias. Les yeux de James et de Nathalie s'arrondissent avec une simultanéité parfaite. Nathalie en perd son français. Vous parlez latin et ça signifie... Je la regarde fixement, droit dans les yeux. Vous me permettrez de laisser la traduction à votre imagination. Tout comme Nathalie qui me regarde comme si je l'avais mise KO, James n'en est toujours pas revenu. Sérieux, vous parlez le latin. Ils auraient vu passer Dumbo, l'éléphant volant, qu'il ne ferait pas une autre tête. Je ne sais comment j'arrive à garder mon sérieux pour répondre avec le plus grand calme à mes heures. De bello gallico. La guerre des Gaules de Jules César était mon livre de chevet. Nathalie vient de comprendre que je l'ai fait marcher. Avec un sourire énigmatique, elle se lève et, parfaitement synchronisée, James et moi l'imitons. Messieurs, je vous laisse à votre étude du latin et je vais me coucher avant que M. Rin entreprenne de nous réciter l'Iliade en grec ancien ou les entretiens de Confucius en mandarin. Ce serait certainement passionnant, mais demain, une rude journée nous attend. Elle tourne les talons et nous plante là sans même un bonsoir. Qui ne connaît Nathalie pourrait la croire fâchée, à tout le moins contrariée. Il n'en est rien et je le sais. Son ressenti est à l'extrême inverse de sa réaction. Tout comme moi, en public, elle ne veut pas montrer ses émotions et plus elles sont intenses, plus elle se protège en affectant une froideur que tout à l'opposé, elle est loin d'éprouver. Je sais que tout à l'heure, lorsque je la rejoindrai, ce sera l'autre Nathalie que je retrouverai. Nathalie la douce et tendre Nathalie, la sensuelle Nathalie. D'un air détaché, parfaitement hypocrite, je demande, elle est toujours comme ça? James fait une moue dubitative. Comme toutes les femmes, je suppose. Imprévisible. Je ne les connais pas plus que vous, mais à l'ambassade à Yaoundé, on dit d'elle que c'est une super pro. Et vous savez quoi? Je crois qu'elle a raison. On devra aller dormir. Sur une poignée de main, je quitte James devant la porte de sa chambre. Il met la clé dans la serrure, se retourne avec un demi-sourire. Je n'en ai pas eu le temps, mais vous remercier Miss Lawlen pour moi, pour ce dîner. Je n'aime encore jamais manger de trucs comme ça. La porte se referme, je souris. Des trucs comme ça. Ok, ça change des hot-dogs. Quelques pas et j'entre dans la suite. Le salon est éclairé par une seule lampe à l'abat-jour noir et blanc, ambiance feutrée. Je vais dans ma chambre. Deux minutes, le temps de passer un jean et un t-shirt, puis à pas de loup j'entre sans frapper dans la chambre de Nathalie. Je ne l'aperçois pas tout de suite. Un mouvement sur la terrasse, elle est là, de dos, accoudée à la balustrade donnant sur le jardin. D'où je suis, mes yeux s'accoutument à la pénombre de l'extérieur. Elle a eu le temps de se changer. Elle porte le kimono de soie blanche à large ceinture que je lui ai offert à Paris il y a un mois. Je ne me doutais pas qu'elle l'avait mis dans ses bagages. La baie est restée ouverte. Pieds nus, je ne fais aucun bruit en m'approchant, mais une légère crispation de son dos, je sais qu'elle a senti ma présence. Lorsque je pose mes mains sur ses épaules, elle frissonne et sans un mot se redresse, appuie son dos contre ma poitrine. Elle laisse aller sa tête en arrière, offrant son cou. Je l'effleure de mes lèvres sans la toucher. Seul mon souffle caresse cette peau si douce, juste derrière l'oreille, tandis que mes doigts se perdent dans ses cheveux, les relevant lentement. Les petites boucles sur sa nuque sont d'un blond plus foncé, plus cendré que la masse de sa crinière d'or. Je souffle dessus, doucement. Elle frissonne à nouveau, entre la tête dans les épaules, puis étire son cou, m'invitant à continuer. Elle accentue la pression du bas de son dos et malgré la toile de mon jean, je perçois les contractions de chacun de ses muscles. Elle ne porte rien sous la soie. Effleurant le tissu si fin qu'il en paraît impalpable, mes mains descendent vers ses hanches. Telle une cascade d'or fin, ses cheveux libérés croulent sur ses épaules, tandis que mes mains remontent, enveloppant ses seins. Une ou deux caresses sur ses globes parfaits, elle gémit doucement. À travers le tissu, je prends chacun des tétons et tendrement les fait rouler entre mes doigts. Elle se calme, elle n'ignore donc plus rien de l'état d'extrême tension dans lequel je me trouve. Je suis certain qu'à cet instant, elle est persuadée que je vais la serrer dans mes bras et que mes mains vont partir en exploration. Ce n'est pas ce que je fais. Au contraire, mes mains abandonnent sa poitrine et 10 longues secondes s'écoulent sans que je ne fasse le moindre geste. Elle finit par se retourner. Je ne vois de ses yeux que les prunelles d'azur qui brillent comme des saphirs étoilés. Elle noue ses bras autour de mon cou et j'esquisse un baiser qui s'arrête net à quelques millimètres de ses lèvres. Elle se recule, fronce les sourcils. « Eh bien, monsieur le latiniste, le fantôme de Jules César vous aurait-il jeté un sort ?» Je souris sans répondre. Je sens que je l'agace. Non, pas vraiment, plutôt que je l'excite. À propos, que signifiait ta phrase en latin ? Je plisse les yeux, la fixe, lui prend le menton. « Tu veux vraiment le savoir ? Bah, si je te le demande. »« Bien, madame, mais il y a un prix à payer pour ça. » La voix qui me répond dans un murmure est devenue rauque. « Pourquoi je n'ai pas été sage ?» Il est clair qu'elle anticipe déjà la fesse et que tout son corps réclame. Ma réponse la désarçonne. « Non, je pense au contraire que tu as été très, très sage. Un peu cruel avec ces Anglais, mais sage tout de même. » Sa voix se casse, devient suppliante. Mais, John, viens! Je la prends par la main et l'entraîne vers les coussins du canapé. Elle pensait que j'allais la faire asseoir. Je la maintiens debout devant moi, et avec le visage le plus inexpressif qu'il m'est possible de prendre, répète à mi-voix. Ante hoc ora desinit, quid petieritis gracias. Avant que cette heure ne s'achève, tu m'auras demandé grâce. Elle est totalement perdue. Et nombre d'inquiétudes passent dans son regard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant que cette heure ne se soit écoulée, tu me supplieras d'arrêter. D'une toute petite voix. Arrêtez quoi? Tu vas me faire mal? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Mais le plaisir est parfois plus insupportable que la douleur. Je me penche à son oreille. As-tu confiance en moi? Ma question l'inquiète. Je le sens la raideur de ses épaules et au son de sa voix. John, pourquoi me demander si j'ai confiance? Pour toi, j'irai dans le feu les yeux fermés. J'irai brûler mon âme. Je masse doucement ses épaules, la base de son cou. On va oublier le feu, mais on va garder les yeux fermés. J'avance la main vers la ceinture de son kimono, entreprends de la dénouer lentement, très lentement. La longue bande de soie finit par céder et la fluidité du tissu est telle qu'il glisse sur sa peau dorée telle de l'eau, dévoilant le sillon entre ses seins et l'ombre d'or qui couronne ses cuisses. Elle ferme à demi les yeux, attendant mes caresses, mes baisers, rien. Au lieu de cela, je la prends par les épaules et d'une légère pression de mes doigts, l'invite à se retourner. Un peu décontenancée, elle s'exécute. Je passe mes mains devant elle et présente devant ses yeux la large ceinture de soie. « Tu veux bien ?» Elle comprend, me répond dans un souffle. « Oui, mais pourquoi? Je voudrais te regarder. » « Pas tout de suite. » Lorsqu'on ne voit plus, la perception des autres sens est exacerbée, en particulier l'ouïe et le toucher. « Tu veux essayer ?» Je la sens frissonner. La fraîcheur nocturne n'y est pas pour grand-chose. « Oui, ferme les yeux. » Je pose délicatement le bandeau de soie, le noue derrière sa tête. « Ça va, pas trop serré ? Non, ça va. » Elle sait que je vais la dévêtir, elle tremble. Je lui murmure. Lorsque j'étais dans l'armée, j'ai suivi des entraînements de privation sensorielle. C'est une expérience fabuleuse et ce soir, j'ai envie de te la faire partager, mais sur le mode câlin. Elle tourne la tête vers moi comme si elle pouvait me voir. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée, là, maintenant, comme ça? Je passe un doigt sur ses lèvres. Une certaine géophysicienne dévergondée qui m'a taquiné sur ma prononciation de l'anglais et n'a pas mis de culot deux soirs de suite. Mot mi-amusé, mi-penaude. Pour ta prononciation de l'anglais, je n'aurais pas dû, mais tu m'as recadré avec ta maîtrise du latin. Est-ce une phrase que tu as improvisée ou une citation? Ni l'une ni l'autre, seulement le souvenir d'une version latine où j'avais lamentablement séché. Mais chercheras-tu à éviter de me répondre sur ta phobie des culottes? Compte tenu de ce que je lis de son sourire, je regrette de ne pas voir ses yeux. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que son regard ne brûle pas le bandeau de soie. Je déteste les culottes et en été, je n'en mets pratiquement jamais, sauf quand la nature m'y oblige. C'est un vrai bonheur de marcher le sexe à l'air. Sans doute du fait de l'excitation, elle repasse à l'anglais. « And now, what should I do ?»« Rien. »« Et maintenant, que dois-je faire ?»« Rien. »« Juste te concentrer. Toi et dans la tête. »« Regarde dans ta tête. »« Ne pense plus à moi. »« Je ne suis plus là. »« Il n'y a plus que ton corps et ton esprit. »« Regarde ton corps avec ton esprit. » Je prends une profonde inspiration. Je me concentre au maximum. Ne pas penser à moi. Ne penser qu'à elle, qu'à son corps, qu'à ses sensations, qu'à son plaisir. Le kimono glisse lentement, aussi lentement qu'il est possible pour qu'elle ressente la douce chaleur de la soie effleurer chaque centimètre de sa peau et laisser doucement place à la fraîcheur de la nuit. Le kimono fait un petit tablon à ses pieds. Je me redresse, passe devant elle, pose mes mains sur ses épaules. Imperceptiblement, sans qu'elle s'en rende compte, je la fais reculer, jusqu'à ce que le creux de ses genoux touche les coussins du canapé. Elle pousse un petit cri et s'assied, en douceur. Je l'ai retenue par les poignets. D'elle-même, sans que je fasse le moindre geste pour l'y inciter, elle se laisse glisser au bord du canapé et s'adosse au large coussin. Je m'assieds près d'elle. Pendant de longues, très longues minutes, mes mains vont effleurer chaque centimètre de sa peau. Mes doigts tenteront de brèves et brûlantes incursions dans les moindres replis de son corps. Elle va gémir, haleter, sangloter, se tordre, essayant d'anticiper. En vain, le prochain attouchement. Ses tétons sont durs et dressés, et sa voix semble avoir migré au fond de son ventre. « Oh John, kiss me everywhere. Oh John, embrasse-moi partout. » Mes lèvres l'effleurent, sa peau la brûle, elle supplie. « Oh John !» « You're driving me crazy. I'm begging you, John. Please, oh, please. »« Oh, John, tu me rends folle. Je t'en prie, John, s'il te plaît, s'il te plaît. » Suit une succession de phrases hachées que j'ai du mal à traduire, mais dont les quelques mots que j'arrive à saisir sont sans équivoque quant à ce qu'elle compte faire de moi, si je n'obtempère pas. Avant de la prendre dans mes bras pour la porter dans la chambre, je murmure à son oreille. « L'heure n'est pas achevée et tu as demandé grâce. » Devant nous, le 4K des Rangers vient de stopper et avec lui le pick-up des porteurs. La lueur laiteuse de l'aube se teinte d'or, le soleil se lève. Chaque seconde, la formidable barrière de la coulée de lave qui se dresse devant nous apparaît de plus en plus sombre, de plus en plus haute. Un frisson me parcourt l'échine. J'ai l'impression que nous allons affronter un monstre qui nous attend la gueule béante. De nous deux, c'est Nathalie qui paraît la plus sereine. Rien dans son comportement ni sur son visage ne laisse deviner la folie qui hier soir l'a ravagée et laissait-elle une poupée de chiffon entre mes bras. Avant de sombrer dans le sommeil, elle a juste eu le temps de balbutier. C'est aussi fou qu'avec la poudre de Michel. Il faudrait mêler les deux, ce doit être dévastateur. Pour l'heure, comme nous tous, elle est en train d'ajuster son sac à dos et de coiffer son casque spéléo auquel elle agrafe son masque. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, et le sergent des Rangers qui vient inspecter nos équipements n'y trouve rien à redire alors même qu'il aura juste le mien. Je suis quand même un peu vexé. Avec un invraisemblable bric-à-brac de vieilles cordelettes et de tampons de chiffon crasseux destinés à assurer la charge autour de leur front, les six porteurs s'entraident pour sangler les précieuses mallettes et balises de Nathalie sur leur dos. L'eau et la nourriture sont réparties entre eux pour éviter que tout ne se perde si un seul en ayant la charge, il lui arrivait quelque chose. En 10 minutes, la colonne est prête et nous nous encordons avec les Rangers, les porteurs semblant en être dispensés. Il n'y a d'ailleurs pas que de cela dont ils sont dispensés. Je ne comprendrai jamais comment les Africains peuvent chausser pieds nus des bottes de caoutchouc par des chaleurs infernales. Les deux Rangers, préposés à la garde des véhicules, se mettent en place et nous démarrons. Les deux autres Rangers, dont le sergent, sont en tête de cordée. James ferme la marche, suivi du premier des porteurs. La première difficulté consiste à escalader les 4 mètres de l'épaisseur de la coulée, et lorsque nous y parvenons, non sans peine, au bout d'un gros quart d'heure, c'est pour contempler un paysage plutonien qui ne présage rien de bon. L'éruption date d'un peu plus d'un an, mais en jugé par l'aspect chaotique des entrelacs de roches, le refroidissement a dû être rapide. Il va nous falloir traverser sur plus de 2 kilomètres une croûte comparable aux embâcles d'un fleuve gelé, sauf que là, tout est noir et que des fumerolles peu engageantes s'échappent par de larges fissures quelques 500 mètres en amont de notre point de passage. Le sergent nous fera signe lorsqu'il faudra mettre nos masques, vraisemblablement à mi-parcours, là où les gaz jaunâtres sont les plus denses. La colonne s'ébranle. La marche sur ces roches acérées et pour certaines coupantes comme des rasoirs, est plus que périlleuse, et il faut avoir de bonnes chaussures, des gants solides, et le cœur bien accroché pour progresser, même à l'allure d'escargot à laquelle nous nous déplaçons. C'est un véritable parcours du combattant. Monter, redescendre, remonter encore et encore, en prenant garde de ne pas mettre le pied dans les nombreux trous qui constellent les rares endroits plats de ce chemin infernal. Au mieux, on y laisserait sa chaussure, au pire sa cheville. Je suis le 3e de cordée, juste derrière les Rangers, et Nathalie marche derrière moi. Je me retourne de temps en temps pour m'assurer que tout va bien, et j'ai chaque fois droit à son merveilleux sourire. Un ange en enfer. Elle marcherait en mini-jupe et talons hauts sur les Champs-Élysées, qu'elle ne serait pas plus à l'aise et plus élégante. Il va nous falloir près de 2 heures pour traverser cette antichambre des enfers, dont 1/2 heure en respirant à travers nos masques, et en distinguant tout juste celui qui nous précède dans la purée de pois sulfureuse et parfois épaisse. Le sergent est un guide chevronné et lorsque nous parvenons épuisés de l'autre côté de la coulée, c'est pour apercevoir la résurgence de la piste 4 mètres en contrebas. Il va nous falloir encore 1/2 heure de marche pour atteindre la zone des relevés. Les porteurs mettent bas leurs charges, les rangent soigneusement sur les indications de Nathalie et vont s'installer sans mettre plus loin sur une zone herbeuse. Les deux Rangers en font autant de leur côté, à nous de bosser. Il est presque 9 heures et nous avons 5 heures, pause comprise, pour faire le travail. Le sergent des Rangers a été catégorique. Départ à 14 heures, terminé ou pas. Nathalie donne ses ordres. James et moi, rodés par la séance de la veille, fonctionnons au quart de tour. De nous trois, c'est évidemment James le plus frais. Mais je suis plus qu'étonné par Nathalie. Où va-t-elle chercher cette énergie ? Disparue la femme qui hier soir s'abandonnait complètement et qu'émandait les caresses les plus osées. Là, maintenant, devant moi, C'est Nathalie la guerrière. Le visage fermé, les sourcils froncés, elle s'active avec application et efficacité. Je souris dans ma barbe. De toutes les personnes présentes, je suis le seul à savoir ce que protège cette armure, une femme douce, tendre et parfois si fragile. Hyper concentrée, elle va d'un appareil à l'autre, donne un ordre bref pour déposer une sonde, se lance dans une séquence calcul pour vérifier les mesures, et nous enchaînons sur la phase suivante. J'avoue que je commence à traîner la patte et James, que j'observe du coin de l'œil, ne paraît guère beaucoup plus frais. En bon capitaine, Nathalie doit le sentir. Sans lever la tête du carnet sur lequel elle griffonne quelques notes, elle propose « On va faire une pause, 20 minutes ». Enfin, un sourire. Je crois me souvenir que les sandwichs au poulet étaient excellents. J'espère seulement qu'ils les ont moins pimentés. Et de fait, s'ils ne les ont pas moins pimentés, les sandwichs sont un vrai régal avec leurs tranches de poulet et d'énormes cornichons aigres doux comme seuls les Anglais savent les préparer. Nathalie est impitoyable. À peine la dernière bouchée avalée, glacière et panier sont refermés et nous reprenons le collier. À voir les porteurs et les rangers nonchalamment étendus dans l'herbe, et dont certains d'ailleurs dorment à poings fermés, j'en viendrai presque à les envier. Avec le soleil à son zénith et malgré l'altitude, ou peut-être même à cause de l'altitude, ma chemise me colle à la peau. James est à peu près dans le même état que moi, et naturellement, seule Nathalie est fraîche comme une rose. On la croirait tout juste sortie de sa salle de bain. Nous allons encore travailler pendant une heure avant que Nathalie, une dernière vérification faite, ne donne le signal de remballer son précieux matériel. La demi-heure qui suit nous retrouve tous dans la même formation, au pied de cette maudite coulée, qu'il va falloir traverser en sens inverse. Je ne sais par quelle miraculeuse constante ce trajet retour ne se fait pas exception à la règle. Il nous paraît plus court, mais surtout plus rapide. Un quart d'heure de moins, montre en main. Plus rapide, mais tout aussi exténuant, si ce n'est davantage. Un porteur s'est même coincé le pied dans une fissure. Il a fallu 5 bonnes minutes pour les dégager et récupérer sa botte. Sans doute a-t-il eu peur, car le moins que l'on puisse dire est qu'il était très agité, roulant des yeux effarés. Il se voyait sans doute coincé là pour la nuit, à la merci des esprits du volcan. L'immense douche à l'italienne de la salle de bain de Nathalie est dotée d'un confortable banc de teck poli, et ce petit détail fait que j'ai le bonheur d'être son invité. Un dispositif particulier permet de régler le large pommeau de douche en mode crachin breton, et cette brumisation tiède, très agréable, a un effet lénifiant incontestable. Exactement ce qu'il nous fallait pour détendre nos corps torturés par cette escapade aux portes des enfers. Assise sur mes genoux, la tête sur mon épaule, blottie dans mes bras, elle est à 2 doigts de s'endormir et moi, de la bercer. Je ne sais pourquoi, sans raison aucune, sans même y avoir réfléchi spontanément, je lui raconte une journée en mer avec mon grand-père lorsque j'étais enfant. Aucun rapport avec ce que nous venons de vivre. Peut-être l'eau tiède qui ruisselle sur nos corps nus. Plus tard, alors que je la sèche tendrement, elle murmure à mon oreille. J'étais avec vous, dans cette barque. J'ai même senti les odeurs et le vent sur ma peau. Je t'aime, John. Après le room service, les draps frais du grand lit nous accueillent. Nous faisons l'amour lentement, doucement, tendrement. L'orgasme est comme une caresse.